Je ne suis pas Mickey, de Walt Disney, couleur de cabaret, jusqu'à des magazines. Je ne suis pas Mickey, de Walt Disney, un clown toujours parfait, l'idole qui vous fascine. Sans appui de secours, irais-je bien de ce parcours? Je ne suis pas Mickey de Walt Disney, couleur de cabaret, jusqu'à des magazines. Je ne suis pas Mickey de Walt Disney, un clown toujours parfait, l'idole qui vous fascine. Peut-être vieux, vous attendiez une jolie chanson d'amour, un beau sourire de mon cou. Tant pis pour moi, je ne suis pas Mickey de Walt Disney, couleur de cabaret, jusqu'à des magazines. Je ne suis pas Mickey de Walt Disney, un clown toujours parfait, l'idole qui vous fascine. Je ne suis pas Mickey de Walt Disney, un clown toujours